C'est maintenant le moment de profiter de la méga-vente prix employé fort chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien et Robertval. On a pour vous des rabais incroyables jusqu'à 16 000 en plus de prix vraiment bas parce qu'on liquide les modèles 2019 restants. Vous en voulez plus? On ajoute les rabais fidélité sur certains modèles et les rabais pour les nouveaux diplômés. Et comme on a besoin de véhicules d'occasion, on vous en donne toujours plus pour votre véhicule d'échange. Viens nous voir et toi aussi tu pourras te vanter d'avoir obtenu le même prix qu'un employé chez Ford. C'est un rendez-vous chez Jean-Dumas Ford. On va parler de hockey mineur. Ça s'en vient à très très grand pas, la nouvelle saison de hockey mineur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À quoi ça va ressembler en crise de COVID? On parle avec le coordinateur de hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pascal Bouchard. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, ça va ressembler à quoi ce COVID, en crise de COVID, le hockey mineur? J'ai eu des witty, j'écoutais Martin Leclerc hier au 91.9, puis j'imagine que c'est la même affaire. Ça ressemble pas... Ça risque d'être assez spécial, hein? Oui, c'est sûr qu'en début de saison, ça risque d'être assez spécial. Mais on va se rapprocher quand même du hockey normal, comme on est habitué de le voir, là. Mais c'est sûr qu'en début de saison, il faut réduire le nombre de joueurs par équipe. 4 contre 4? Ben 4 contre 4, mais il y a une possibilité de 5 contre 5 aussi, là. Okay. On a le droit d'avoir des équipes de 10 joueurs, un gardien de but. Fait que c'est parce que le problème là en tant que tel, c'est vraiment le nombre de joueurs sur le banc là, quand ils sont pas sur la glace. Là, fait que c'est pour ça là, qu'on a le droit à un maximum de 10 joueurs habillés plus un gardien. Est-ce que c'est vrai? J'écoutais Martin Leclerc hier expliquer de quoi. Mm-hmm. C'est-tu vrai que pour la distanciation sociale, il va y avoir des punitions, mm-hmm. mettons que des joueurs de hockey se bataillent pour la rondelle dans le coin de la banque? Ben, il y a quand même un délai, là. Tu sais, s'il bataille pour une rondelle, tu sais, le hockey va demeurer ce qu'il est, là. Ben, il va y avoir des bagarres à un contre un, oui, mais c'est sûr que, si, admettons, la bagarre, normalement, des fois, ils vont faire une bagarre à un contre un, ça va durer 45 secondes, admettons, puis la rondelle bouge pas. Ben, ils vont tout simplement arrêter le jeu, là. Mais il n'y aura pas nécessairement de pénalité, là. OK. C'est évidemment. Ouais. Mais ça va durer combien de temps, cette bataille-là? Mettons, le délai, c'est quoi? 10 secondes? 15 secondes? Bon, 15-20 secondes, là. À discrétion de l'arbitre? Ouais, à peu près, mais tu sais, c'est pas mal dans le target, là, 10-15 secondes, là. OK. Après ça, le jeu arrête, on fait une mise au jeu, puis on décolle. OK. Et du côté des entraîneurs, est-ce qu'il y aurait... Parce que le 2 mètres n'est pas souvent respecté, là. Souvent, le coach est en arrière du joueur. Est-ce que ça va être... Il va avoir plus de 2 mètres? Non, ben l'entraîneur en arrière du banc, en fait, il va devoir porter le masque. OK, c'est bon. Quand il est en arrière du banc pendant un match de hockey, il porte le masque. Quand il est sur la glace, pendant une pratique, le masque n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il y ait une distanciation de 2 mètres avec les joueurs. OK. Dis-moi, si on parlait maintenant y a-tu des nombres limites derrière le banc? L'assistant entraîneur, peux-tu y aller aussi? C'est deux entraîneurs en arrière du banc. OK. Donc, ouais. Okay. Pour le début de saison, puis quand on va retomber à la normale, ben ça va être équipe complète avec staff d'entraîneur complet, là. Mais pour le moment, là, avec des équipes réduites à deux entraîneurs, il y en a en masse. OK. C'est quoi ton... est-ce que vous vous donnez un délai? Vous ne savez pas non plus, j'imagine? Ah, le délai, j'aimerais ça donner une date puis dire, regarde, on s'en va... On va commencer notre saison, exemple, je ne sais pas, 1er décembre ou 1er novembre, là, j'aimerais bien ça avoir une date, mais malheureusement, j'en ai pas. Ouais. Mais, tu sais, ça pousse fort là pour revenir à du hockey normal le plus rapidement possible, parce que veux, veux pas, même en phase 5, là, on a quand même pas de tournoi non plus. Là. Ouais, des tournois en phase 6. Oui, c'était ma prochaine question, il n'y aura pas de tournoi. Hein? Non, mais dès qu'on est à la phase 6, on peut faire des tournois. Ça, c'est assez important pour nos associations. Ben oui. Là, c'est le gros de leur financement. Fait que c'est sûr qu'on travaille fort pour trouver des moyens d'être acceptés à la santé publique pour faire du hockey normal, faire nos tournois puis avoir une saison le plus normale possible. Là. Okay. On se le cachera pas. Mais on est conscient que toute la saison, là, les lavages de mains, puis les masques, puis ces mesures-là, on s'attend que ça soit obligatoire toute la saison. Oui, monsieur. OK. Du côté des équipements des gardiens de but, des équipements, j'imagine que ça aussi, ça va falloir être lavé, il faut que ça soit nettoyé. Comment ça va fonctionner, ce coup-là? Ben ça, c'est chacun, les équipements, la douche, c'est chacun qui s'occupe de son équipement. Oui, les douches vont être ouvertes, hein, je pense aussi. Hein? Ben, les douches, ça dépend des municipalités. Mm. Là, ce matin, j'ai vu que la ville de Saguenay donnait accès aux douches à grandeur de ces arénas, là. Mais ça, c'est vraiment à discrétion des municipalités, parce que nous autres, les infrastructures ne nous appartiennent pas. Mais les gens ont le droit d'aller s'habiller dans les vestiaires, se changer après le match dans les vestiaires, il n'y a pas de problème. Si la municipalité donne accès aux douches, il n'y a pas de problème non plus. Nous autres, c'est OK pour nous autres. Là. Okay. Tu t'attends-tu d'avoir une baisse de membership à cause de toutes ces baisses-là? Toutes ces nouvelles règles? Ben, on avait prévu une baisse là, quand on a fait le budget là, pour la saison qui s'en vient avec le COVID. C'est sûr qu'on a prévu une baisse de membership. Ouais. Sauf que là, à l'heure actuelle, il y a certaines associations que les inscriptions sont déjà commencées. Okay. Puis, surprenamment, ça va très, très bien. On est à peu près au même niveau là, versus l'année passée. Là, à date, on est à peu près au même niveau d'inscription. C'est sûr que là, avec les mesures, surtout à cause des douches, des affaires de même, là, c'est sûr qu'au niveau midget junior, les inscriptions se font attendre un petit peu. Mais en même temps, historiquement, ben c'est les jeunes de ces catégories d'âge-là vont s'inscrire un petit peu plus tard. Là, vont s'inscrire quasiment après le début de saison, là, si on veut. Là, ouais. Mais tu sais, on est pas mal moins inquiet qu'on l'était au mois de mars, admettons. Là. Les élites, eux autres, font partie de la structure d'Hockey Québec? Oui. OK, donc c'est un peu les mêmes affaires? Même affaire. Okay. Les élites. Donc, la règle de 250 personnes, es-tu. Les autres, ils n'ont pas là plus que 250 personnes dans l'aréna, ce qui veut dire à peu près quoi? 150 personnes, 175? Non, mais en fait, là, ils ont le droit à 250 spectateurs. OK. Ouais. Les joueurs, staff d'entraîneur, tout ça, c'est pas inclus là-dedans. OK. Mais il faut qu'ils jouent. Les élites, là, ça joue à l'heure actuelle, là. Des ça joue concours. À 55. Match en concours 5 contre 5. Ils jouent les matchs durent une heure, fait qu'ils jouent 3-10 chrono. OK. Puis c'est. Les équipes sont comme divisées en deux, si on veut, là. Ils ont 20 joueurs. Okay. Ils font deux matchs en ligne contre leur adversaire là, avec leurs deux groupes différents. Ben Pascal, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est une année pas facile. Le COVID, remarque, moi je trouve. En tout cas, c'est une opinion bien spéciale. Les gens ont leur opinion là-dessus. Donc, on espère évidemment que ça va aller pour le mieux pour le hockey. On a vu que le parascolaire a été retardé. Heureusement, c'est du civil, donc c'est moins pire un peu. Justement, est-ce que tu penses que le hockey parascolaire, ça va nuire? C'est le fait qu'il peut avoir une recrudescence dans le civil? Ben, je sais pas, là. C'est embêtant parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent d'un côté puis de l'autre, on se perd là-dedans. Là, aujourd'hui, le ministre disait que ça allait durer un mois, cette attente-là, un petit peu pour le scolaire, là. Mais en tout cas, comme un peu tout le monde, je souhaite que ça soit pas ça, puis que on n'est pas là pour se nuire. Si jamais il y a des joueurs qui se retirent de là puis qui veulent s'en venir du côté civil, c'est sûr qu'on va les prendre, là. Nous autres, notre job, c'est de faire jouer les jeunes au hockey, là, puis c'est ça qu'on va faire. Mais c'est sûr que, écoute, on souhaite tous que les jeunes jouent ce qu'ils voulaient jouer. Les camps des équipes scolaires, autant au hockey qu'au football, basketball, peu importe, ça vient de finir là, pour placer les jeunes dans les écoles. Fait que, ça serait décevant pour eux autres là, de pas jouer ce qu'ils voulaient jouer. Là. C'est complètement ce qui se passe. C'est, en tout cas, c'est un début de saison très, très spécial, mais en tout cas, on a bien confiance que ça décolle du... En tout cas, on va mettre des jeunes sur la glace pour commencer la saison, puis en espérant que ça aille bien dans les écoles, là, c'est plus ça, d'après moi, qui va être la nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'éclosion dans les écoles, ben le hockey va... Casse-toi pas que les médias vont repartir normalement. Vont tout faire pour en trouver une. Casse-toi pas la tête, donc... Fait que Pascal, un gros merci, puis on s'en reparle bientôt. Parfait, merci beaucoup. C'est l'ami Pascal Bouchard de Hockey Saint-Lin-Action.